Et aussi, ma chérie, j'aimerais partager une autre chose que je déteste. Et cette chose que je déteste, ce sont les frontières. Pour moi, les frontières, ce sont des obstacles pour diviser l'humanité. Les frontières provoquent la violence entre les pays et aussi et les frontières, c'est une manière pour éliminer la possibilité pour les êtres humains pour se développer par soi-même. Pour cette raison, on doit finir avec les frontières, on doit ouvrir les portes du monde. Sur le monde, de cette manière, on pourrait promouvoir un développement intégral, complet pour chaque personne dans le monde entier.